rends pas compte. Oui, peut-être. Nous en avions changé. Notre voiture était longue. Plutôt allongée. Aérodynamique. Et noir, parce que noir, il disait cela, par ses idées. Noir, cela serait plus chic, sans mots. Mais bien plutôt parce qu'en fait, il n'en avait pas trouvé d'autre. Rouge, je le connais, rouge. Voilà, je crois, ce qu'il aurait préféré. Le matin du dimanche, il la lavait, il l'astiquait. Un magnat, ça lui prenait 2 heures. Et l'après-midi, après avoir mangé, on partait, toujours été ainsi. Oh, je ne sais pas, plusieurs années, belles et longues années, tous les dimanches, comme une tradition. Pas de vacances, non, mais tous les dimanches, qu'il neige, qu'il vente, il disait les choses comme ça. Des phrases pour chaque situation de l'existence. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tous les dimanches, on allait se promener. Quelquefois aussi le premier dimanche de mai. Je ne sais plus pourquoi. Une fête, peut-être. Le premier dimanche, après le 8 mars, qui est la date de mon anniversaire, là. Et lorsque le 8 mars tombait un dimanche, bon. Et encore le premier dimanche des congés d'été. On disait qu'on partait en vacances. Alors on klaxonnait. Et le soir, en rentrant, on disait que tout compte fait, on était mieux à la maison. Des âneries. Et un peu aussi avant la rentrée des classes, l'inverse là, comme si on rentrait de vacances, toujours les mêmes histoires. Quelquefois, ce que je raconte, que j'essaye de dire, nous allions au restaurant, toujours les mêmes restaurants et pas très loin, et les patrons nous connaissaient, et on y mangeait toujours les mêmes choses. Les spécialités et les saisons, la friture de carpe, des grenouilles à la crème, hein, mais ceux-là n'aiment pas ça. Après, ils eurent 13 et 14 ans, Suzanne était petite. Ils ne s'aimaient pas beaucoup, se chamaillaient toujours, ça mettait leur père en colère. Ce furent les dernières fois. Et plus rien n'était pareil, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Je me tais. Il faut aussi des pique-niques, mais c'est tout. On allait au bord de la rivière, oh là là là là, c'est bon, c'est l'été, on mange sur l'herbe, salade de thon avec du riz et de la mayonnaise et des œufs durs. Et celui-là, il aime toujours autant les œufs durs. Et ensuite, on dormait un peu, leur père et moi, sur la couverture. Une grosse couverture verte et rouge. Et eux, ils allaient jouer à se battre. C'était bien. Après. C'est pas méchant ce que je dis, mais ces deux-là sont devenus trop grands. Je sais plus. Est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît? Ils ne voulurent plus venir avec nous. Ils allaient chacun de leur côté faire de la bicyclette, chacun pour soi. Et nous, seulement avec Suzanne, ça ne valait plus la peine. C'est notre faute. Ou la mienne. Ce devait être il y a 10 jours, à peine, peut-être. Où est-ce que j'étais? Ce devait être il y a 10 jours. Et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que je décidais de revenir ici. Je me suis levé et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite. Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a 10 jours. J'étais dans mon lit. Je me suis éveillé calmement, paisible. Oh. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, un an, je l'ai dit au début. Ça fait longtemps que ça ne m'arrive plus. Et que je me retrouve toujours chaque matin avec juste en tête pour commencer à nouveau. Juste en tête l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé calmement, paisible. Avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents, les gens encore, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé. Admettons que je m'en souvienne. Ma mère, mon frère, là, aujourd'hui, ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre, ne m'aime plus. Ne m'aima plus. Et qu'on ne m'aime plus. Ce que je veux dire, au bout du compte. Comme par découragement. Comme par lassitude de moi, qu'on m'abandonna toujours. Car je demande l'abandon. C'était cette impression. Je ne trouve pas les mots. Lorsque je me réveillais, un instant on sort du sommeil, tout est limpide, on croit le saisir pour disparaître aussitôt. Qu'on m'abandonna toujours peu à peu à moi-même, à ma solitude au milieu des autres, parce qu'on ne saurait m'atteindre, me toucher, et qu'il faut renoncer. Et on renonce à moi. Ils renoncèrent à moi, tous, d'une certaine manière. Après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux, à me le dire aussi. Parce que je les en décourage. Parce qu'ils veulent comprendre que me laisser en paix, semblant ne plus se soucier de moi, c'est m'aimer plus encore. Je compris que cette absence d'amour dont je me plains, et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, sans que jamais jusqu'alors je ne la voie, que cette absence d'amour fit toujours plus souffrir les autres que moi. Je me réveillais avec l'idée étrange et désespérée et indestructible encore qu'on m'aimait déjà vivant comme on voudrait m'aimer mort. Sans pouvoir et savoir jamais rien me dire. Vous ne dites rien. On ne vous entend pas. Pardon. Non, je ne sais pas que voulez-vous que je dise. Je suis désolé pour l'incident tout à l'heure. Je voulais que vous le sachiez. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, je n'ai pas compris. Antoine, il veut toujours que je ne m'intéresse pas. Il a dû vous prévenir contre moi. Je n'y songeais pas, je n'y songeais plus. Ce n'était pas important. Mais pourquoi dites-vous ça? Il a dû vous prévenir contre moi, qu'il a dû me prévenir contre vous. C'est une drôle d'idée. Il parle de vous comme il doit, et il n'en parle de toute façon pas souvent. Presque jamais. Je ne crois pas qu'il parle de vous, et jamais en ces termes. Rien entendu de tel, vous vous trompez. Il croit, je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de lui, c'est ça. Que vous ne voulez rien savoir de sa vie, que sa vie, ce n'est rien pour vous. Moi, les enfants, tout ça, son métier, le métier qu'il fait. Vous connaissez son métier? Vous savez ce qu'il fait dans la vie? On ne dit pas vraiment un métier. Vous, vous avez un métier. Un métier, c'est ce qu'on a appris, ce pourquoi on s'est préparé. Je ne me trompe pas? Vous connaissez sa situation? Elle n'est pas mauvaise. Elle pourrait être plus mauvaise. Elle n'est pas mauvaise du tout. Sa situation, vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous connaissez son travail? Ce qu'il fait, ce n'est pas un reproche. Ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi. Si vous le prenez ainsi, ce n'est pas bien. Et vous avez tort. Ce n'est pas un reproche. Moi-même, ce que je peux dire, moi-même, je ne saurais exactement, avec exactitude, je ne saurais vous dire son rôle. Il travaille dans une petite usine d'outillage, par là. On dit comme ça, une petite usine d'outillage. Je sais où c'est. Parfois, je vais l'attendre. Maintenant, presque plus. Mais avant, j'allais l'attendre. Il construit des outils. J'imagine. C'est logique, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a raconté? Il doit construire des outils. Mais je ne saurais pas non plus expliquer toutes les petites opérations qu'il accumule chaque jour. Et je ne saurais pas vous reprocher de ne pas le savoir non plus, non. Mais lui, il peut en déduire, il en déduit certainement, que sa vie ne vous intéresse pas. Ou si vous préférez, je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès. Il croit probablement, je pense qu'il est ainsi, et vous devez vous en souvenir. Il ne devait pas être différent plus jeune. Il croit probablement que ce qu'il fait n'est pas intéressant, ou susceptible, le mot exact, ou susceptible de vous intéresser. Et ce n'est pas être méchante, méchant peut-être, ce n'est pas être méchant, oui. Que de penser qu'il n'a pas totalement tort. Vous ne croyez pas? Ou je me trompe? Je suis en train de me tromper. Ce n'est pas être méchant, en effet, c'est plus juste. Je souhaite, quant à moi, ce que je souhaitais. Je serais heureux de pouvoir... Ne me dites rien. Je vous interromps. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Je pense que c'est mieux et vous n'y verrez pas d'inconvénient. Moi, je ne compte pas et je ne rapporterai rien. Je suis ainsi, ce n'est pas mon rôle. Ou pas comme ça, du moins que je l'imagine. Vous voici à votre tour. Comment est-ce que vous avez dit? Prévenu contre moi. Je n'ai rien à dire ou ne pas dire, je ne vois pas. Très bien, parfait. Alors, à plus forte raison. Revenez, Catherine. Cette fille là, on ne croit pas la première fois on la regarde. On la suppose fragile et démunie, tuberculeuse ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe, il ne faut pas s'y fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Toujours comme ça, toi, Suzanne. Moi? Oui, comme ça, donnant ton avis. Non, à vrai dire, de moins en moins. Aujourd'hui un peu, mais presque plus. Dernière salve en ton honneur, juste pour te donner des regrets. Oui. Pardon? Quoi? En général, à l'ordinaire, Antoine, à ce moment-là, Antoine me dit ta gueule, Suzanne. Excuse-moi, je ne savais pas. Ta gueule, Suzanne! Ça ne me regarde pas, je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas, je ne change pas, j'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler, tout ça. Je les ai entendus. Mais aussi, je les connais, je sais. Comment est-ce que je ne saurais pas? Je n'aurais pas entendu, je pourrais plus simplement encore deviner, je devinerais de moi-même, ça reviendrait au même. Ils veulent te parler, ils ont su que tu revenais, ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps. Et la possibilité, enfin. Alors ils voudront t'expliquer, Mais ils t'expliqueront mal. Car ils ne te connaissent pas. Ou mal. Suzanne ne sait pas qui tu es. Ne pas connaître, ça, c'est imaginer. Toujours elle imagine. Elle ne sait rien de la réalité. Antoine, c'est différent, il te connaît, mais à sa manière, comme tout et tout le monde, comme il connaît toute chose, ou comme il veut la connaître, s'en faisant une idée, ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer. Il est probable qu'ils le feront. Et maladroitement, ce que je veux dire. Car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes. Du peu de temps que vous resterez ensemble. Moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Moi aussi, je me doute bien que tu ne vas pas traîner très longtemps auprès de nous, dans ce coin-ci. Tu étais à peine arrivé, je t'ai vu. Tu étais à peine arrivé, tu pensais que tu avais commis une erreur et tu aurais voulu aussitôt repartir. Ne me dis rien, ne me dis pas le contraire. Ils auront peur, et c'est la peur, là aussi. Ils s'y prendront maladroitement. Ça sera mal dit ou dit trop vite. De manière trop abrupte, bientôt même. Et brutalement encore, car ils sont brutaux, l'ont toujours été, et ne cessent de le devenir. Et durs aussi, c'est leur manière. Et tu ne comprendras pas, je sais comment cela se passera, et c'est toujours passé. Tu répondras à peine deux ou trois mots, et tu resteras calme, comme tu as appris à l'être par toi-même. Ce n'est pas moi, ou ton père encore moins, ce n'est pas nous qui t'avons appris cette façon si habile et détestable. De rester paisible en toutes circonstances. Je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. Tu répondras à peine deux ou trois mots, tu souriras, la même chose. Tu leur souriras. Ils se souviendront plus tard, ensuite, par la suite. Ils ne se souviendront que de ce sourire, et c'est la seule réponse qu'ils voudront garder de toi. Et c'est ce sourire qu'ils ressasseront, et ressasseront encore. Rien ne sera changé, bien au contraire. Et ce sourire aura aggravé les choses entre vous. Ce sera comme la trace du mépris, la pire des plaies. Elle, Suzanne, sera triste à cause de ces deux ou trois mots, de ces justes deux ou trois mots jetés en pâture, ou à cause de ce sourire que j'ai dit. Et à cause de ce sourire et de ces justes deux ou trois mots, Antoine sera plus dur encore et plus brutal lorsqu'il devra parler de toi. Ou silencieux et refusant d'ouvrir la bouche, ce qui serait plus mal encore. Suzanne voudrait partir, elle l'a déjà dit. Peut-être. Aller loin, dans un autre monde, ce qu'elle croit. Vivre une autre vie. Ces histoires-là. Rien de bien différent, si on réfléchit. Si on s'en souvient, je me souviens. Rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle. Rien de moins grave encore. Le même abandon. Et Antoine, il voudrait plus de liberté. Là, le mot qu'il emploie lorsqu'il est en colère. On ne croirait pas le voir, mais souvent, il est un homme en colère. Il voudrait pouvoir vivre autrement, hein, avec sa femme et ses enfants, et ne plus rien devoir, autre idée qui lui tient à cœur et qu'il répète, ne plus rien devoir. À qui ? À quoi ? Je ne sais pas. Ne plus rien devoir, c'est une phrase qu'il répète souvent de temps à autre, ne plus rien devoir. Bon, je l'écoute, hein, tout ça, et rien de plus. Et c'est à toi qu'ils veulent demander cela, c'est à toi qu'ils semblent vouloir demander l'autorisation. Ah, c'est une idée étrange. Et tu te dis que tu ne comprends pas, que tu ne leur dois rien et qu'ils ne te doivent rien et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et cela d'une certaine manière, et ce n'est pas de faire injure, ça t'est bien égal. Et ne te concerne pas. Tu n'as peut-être pas tort. Il y a trop de temps passé, toute l'histoire vient de là. Tu ne voulus jamais être responsable et on ne saurait jamais t'y obliger. Bon, tu te dis peut-être aussi, je sais pas, je parle, tu te dis peut-être aussi que j'invente, que je me trompe et qu'ils n'ont rien à te dire et que la journée se terminera ainsi comme elle a commencé, sans nécessité, sans importance. Bien, peut-être. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, c'est que tu les encourages, peut-être. Est-ce qu'ils ne manquèrent pas toujours de ça, qu'on les encourage, que tu les encourages, que tu les autorises, ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose, que tu leur dises, que tu dises à Suzanne. Même si ce n'est pas vrai, un mensonge, qu'est-ce que ça fait? Juste une promesse qu'on fait en sachant par avance qu'on ne la tiendra pas. Que tu dises à Suzanne de venir parfois, deux ou trois fois l'an, te rendre visite. Qu'elle pourrait te rendre visite si l'envie lui vient, si l'envie la prenait. Qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant. Nous ne savons pas où tu vis. Qu'elle peut bouger, partir et revenir encore et que tu t'y intéresses. Non, que tu parais t'y intéresser, mais que tu t'y intéresses. Que tu t'en soucies. Que tu lui donnes à lui, Antoine, le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous, d'elle ou de moi. Il ne l'a jamais été, je sais cela, mieux que quiconque. Mais il a toujours cru qu'il était. Il a toujours voulu le croire. Et c'était toujours ainsi. Toutes ces années, il se voulait responsable de moi et responsable de Suzanne. Et rien ne lui semble autant un devoir dans la vie. Et une douleur aussi. Une sorte de crime pour voler un rôle qui n'est pas le sien. Que tu lui donnes le sentiment, l'illusion, que tu lui donnes l'illusion qu'il pourrait, à son tour, à son heure, m'abandonner. Comme être une lâcheté comme celle-là. Oh, à ses yeux, j'en suis certaine, ça n'est une. Qu'il en aurait le droit, qu'il en est capable. Il ne le fera pas, il se construira d'autres embûches. Ou il se l'interdira pour des raisons plus secrètes encore. Mais il aimerait tellement l'imaginer, oser l'imaginer. C'est un garçon qui imagine si peu. Ça me fait souffrir. On voudrait que tu sois plus là, plus présent, plus souvent présent, qu'il puisse te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier, et perdre le respect, ce fameux respect obligé pour les frères aînés, absents ou étranges. Tu serais un peu responsable. Et ils deviendraient à leur tour, ils en auraient le droit, ils pourraient en abuser, ils deviendraient à leur tour aussi, enfin. Des tricheurs à part entière. Petit sourire. Juste ces deux ou trois mots. Non. Juste le petit sourire. J'écoutais. C'est ce que je dis. Tu as quel âge? Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui? Moi, tu demandes? J'ai 34 ans. 34 années. Pour moi aussi, ça fait 34 années. Je ne me rends pas compte. C'est beaucoup de temps. L'après-midi, toujours été ainsi, le repas dure plus longtemps, on n'a rien à faire. En mettant ses jambes. Vous voulez encore du café? Tu vas le vouvoyer toute la vie? Ils vont se vous voyez toujours ? Suzanne, ils font comme ils veulent. Mais merde, toi, à la fin ! Je ne te cause pas, je ne te parle pas ! Ce n'est pas à toi que je parle. Il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps. Tu ne vas pas t'occuper de moi toujours ! Je ne te demande rien ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment est-ce que tu me parles ? Tu me parles comme ça, jamais je t'ai entendu. Elle veut avoir l'air. C'est parce que Louis est là. C'est parce que tu es là et elle veut avoir l'air. Qu'est-ce que ça a à voir avec Louis ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas parce que Louis est là, qu'est-ce que tu dis ? Merde ! Merde et merde encore, compris ? Entendu ? Saisi ! Et bras d'honneur si nécessaire ! Voilà ! Bras d'honneur ! Suzanne ! Ne la laisse pas partir ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Tu devrais la rattraper. Elle reviendra. Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Antoine. Quoi ? Tu te payais ma tête, tu essayais. Tous les mêmes ! Vous êtes tous les mêmes ! Suzanne ! Antoine, où est-ce que tu vas ? Ils reviendront. Ils reviennent toujours. Je suis contente, je ne l'ai pas dit. Mais je suis contente que nous soyons tous là, tous réunis. Louis, Louis, où est-ce que tu vas ? Au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela, ce qu'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi. S'éteindre. S'engloutir et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner et ne plus jamais revenir. Que je les emporte et que je ne sois pas seul. Ensuite, mais c'est plus tard, l'ironie est revenue. Elle me rassure et me conduit à nouveau. Ensuite, on songe, je songeais, on songe à voir les autres, le reste du monde, après la mort. Ah, on les jugera, on les imagine à la parade, on les regarde, ils sont à nous maintenant. On les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait triste et amer, ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance. Oh, on s'amuse. Je m'amusais. On les organise et on fait refait l'ordre de leur vie. On se voit aussi allongés, les regardant des nuages. Je ne sais pas. Comme dans les livres d'enfants. C'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là ? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi, les mener encore un peu. On voudrait les entendre. Je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives. Et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure.